Quand vous connaissez ça, vous saute. Vous connaissez ça, vous va. Malin dans la réunion. Osanana toute bonne nation. On me l'a grandi dans Maloya. On me l'a grandi dans Kabaré. Pour ça, je dis mi de bon Dieu. Pour ça, je dis mi un bon Dieu. Où t'es mon temps, t'es t'y saute. African Mada. Gaïa, mon anali saute. African Mada. Sauter.